السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc nous continuons ici la lecture dans l'écrit de Cheikh Obeid al-Jabiri Hafidhahullah Ta'ala, expliquant des fondements et des règles de base dans le Minhaj Salafi. Donc le Cheikh, après son introduction et après avoir fait un avant-propos dans lequel il explique qu'est-ce que la salafia et qu'est-ce qu'elle signifie, après cela le shirk, donc il va rentrer maintenant dans certaines règles et certains fondements du manhaj salafi. Donc le shirk, il dit: فإذا تقرر هذا فإني أورد لكم بعض القواعد. Donc une fois que ceci a été établi, ce qui a précédé, lorsqu'il a expliqué le terme salaf et le terme salafi et lorsqu'il a expliqué ce que signifiait le fait de suivre le manhaj salafi, après cela, donc, le cheikh, il dit, une fois que cela a été établi, je vais maintenant citer certaines règles. Al-qa'idatul oula, la première règle, الانتساب إلى السلفية، يعني la première des règles, c'est sur le fait de s'affilier à la salafia. Le cheikh il dit: فإن كثيرا ممن يدعون أنهم أهل السنة والجماعة وأنهم على الهدى يشمئزون من الانتساب إلى السلفية. يعني le cheikh il dit, certes beaucoup de personnes qui prétendent être des gens de la sunna et de la jama'a et qui prétendent être sur la guidée, yani sur le droit chemin, beaucoup de gens qui prétendent être des gens de la sunna et de la jama'a et qui prétendent être sur la guidée, beaucoup d'entre eux sont crispés et répugnent le fait de s'affilier à la salafia, de dire qu'ils sont salafis. وَحَتَّى تَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ إِلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ وَتَقْوَى عَزِيمَتُهُمْ لِأَنَّ مَا وَقَرَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْإِشْمِئْزَازِ مِنْهَا فهي وسوسة شيطانية قواها في قلوبهم ضعف العزيمة وقلة الفقه في الدين. فلو كانت عزائمهم قوية وتحصيلهم من الفقه في الدين قوية ما اشمأزوا من ذلك ولم يجدوا في أنفسهم غضاضة منه، فنقول لهم أولا. دونك لو شيخ يل دي et pour que ça pèse les cœurs de ces gens-là, hein, qui répugnent, qui ont de la répulsion sur le fait de s'appeler salafi et de s'affilier à la salafie, hein, le cheikh il dit, pour apaiser les cœurs de ces gens-là, vis-à-vis de cette affiliation, et pour renforcer leur motivation dans cela, car il faut bien comprendre là, il faut bien comprendre ici que leur répulsion pour cette affiliation, elle est venue dans leur cœur, yani cette répulsion envers cette affiliation qui est venue dans leur cœur, ce n'est qu'une insufflation des diables. Ce n'est qu'une insufflation diabolique qui a été renforcée dans leur cœur. À cause de quoi? À cause de leur faiblesse dans leur motivation et leur manque de compréhension de la religion. Car s'ils avaient une motivation forte et qu'ils étaient bien enracinés dans la compréhension de la religion, ils ne trouveraient aucune répulsion envers cela. Et ils ne ressentiraient aucune gêne dans le fait de s'affilier à la salafie. Donc le cheikh il dit, tout d'abord nous disons à ses frères, جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. Il a été rapporté dans les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم ce qui vient indiquer cela, yani cette affiliation. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها فنعم السلف أنا لك. Parmi cela, parmi les hadiths qu'il y a là-dedans, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa fille Fatima radiyallahu anha, lorsqu'il lui a dit, quel bon salaf je suis pour toi, yani quel bon prédécesseur je suis pour toi, yani le shirk, là ce qu'il veut dire c'est que ce terme salaf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé. Donc il n'y a pas de mal, et il n'y a pas de gêne à avoir dans le fait d'utiliser ce terme-là. والأمر الثاني أن هذه النسبة لم تكن محدثة بل هي من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لهم السلف. La deuxième chose, c'est que cette affiliation, le fait de se dire salafi ou d'utiliser le terme des salafs, ce n'est pas quelque chose de nouveau et d'innové, mais ça existait déjà à l'époque des compagnons radiallahu anhum, car on les appelait les salafs, yani les tabi'oun. Ce que le cheikh veut dire ici, c'est que les tabi'oun, ils appelaient les sahaba radiallahu anhum as-salaf, yani les prédécesseurs. Ensuite cheikh il dit, wa kalimatu salaf darijatun 'inda a'immati ahli hadhihi al-milla ahli as-sunnah wal-jama'ah. Et le terme salaf, c'est un terme qui est répandu chez les grands imams et les grands savants de cette religion, des gens de la sunna et du groupe sauvé. ويزيد هذا وضوحا الإجماع على صحة الانتساب إلى السلفية وأنه لا غضاضة في ذلك. Et vient renforcer cela, vient renforcer cela et éclaircir encore plus cela, le fait qu'il y ait un consensus unanime, il y a un ijma, un consensus unanime sur la légitimité de s'affilier à la salafia. Et qu'il n'y a aucune gêne là-dedans. Et qu'il n'y a aucune gêne dans cela. وقد حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله et a cité ce consensus unanime Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah رحمه الله lorsqu'il dit لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il disait, nul reproche, il n'y a aucun reproche à celui qui montre la voie des salafs. Et qui s'y affilie, et qui s'y apparente. Mais il est plutôt une obligation d'accepter cela de lui à l'unanimité. Car la voie des salafs n'est rien d'autre que la vérité. Et cela, vous le trouvez dans le recueil de fatawa de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans le volume 4, à la page 149. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, nul reproche à faire, il n'y a aucun reproche à faire à celui qui montre la voie des salafs, qui s'y affilie et qui s'y apparente. Mais c'est plutôt une obligation d'accepter cela de lui à l'unanimité. Car la voie des salafs n'est rien d'autre que la vérité. Ensuite, Cheikh Obeid, il dit, فَهَذَا عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ مَنْهَجِنَا الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِجَلَالَةِ الْقَدْرِ وَالسَّابِقَةِ فِي الْفَضْلِ يَنْقُلُ الْإِجْمَعِ. Donc ça, c'est un des grands savants de référence parmi les savants de notre manhaj, pour qui les gens ont attesté de la grande place qu'il avait dans la communauté, et du fait que c'est quelqu'un qui était avancé dans le mérite. Cet homme, Ibn Taymiyyah, il nous rapporte ici un consensus unanime, un ijma, qu'il n'y a aucun mal et aucun reproche à faire à celui qui s'affilie au salaf. Là ici, je rajoute que lorsqu'on se dit salafi, lorsqu'on dit je suis salafi, le i à la fin, là, en arabe c'est un ya, le i à la fin, c'est le yé d'appartenance, yé un nisba. Le yé, ya d'appartenance. C'est-à-dire que quoi, que tu t'affilies au salaf, que tu dis que tu es sur la voie des salafs, tu suis les salafs. C'est cela que veut dire le terme salafi. Lorsque tu dis je suis salafi, ça veut dire je suis les salafs. Je suis les prédécesseurs, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ceux qui les ont suivis. Les trois premières générations de l'islam qui sont les meilleures générations. Ensuite, Cheikh Obeid, il dit, فَيَا شَبَابَ الْإِسْلَامِ خَاصَّةِ وَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ عَامَّةِ لَا يَكُنَّنَّ فِي صُدُورِكُمْ حَرَجٌ مِنَ الْإِنْتِسَابِ إِلَى السَّلَفِيَّةِ. Donc le Cheikh, il dit, ô jeunes musulmans, et ô vous les musulmans, de façon plus générale, qu'il n'y ait dans vos poitrines aucune gêne dans le fait de vous apparenter à la salafia. بل ارفعوا بها رؤوسكم واصدعوا بها ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم. Mais au contraire, levez vos têtes avec cette appartenance au salaf et exposez-la clairement et ne craignez là-dedans le blâme de personne. وأزيدكم شيئا آخر. Et je vous rajoute une autre chose. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من علامات أهل البدع ترك انتحال السلف الصالح. Cheikh al-Islam, il a cité que parmi les signes distinctifs des gens de l'innovation, c'est le fait qu'ils délaissent le suivi des salaf salih. Ils délaissent le suivi des salaf salih et ils délaissent le fait de s'affilier à eux, de s'apparenter à eux. فلا تجد خلفيا لا سيما المنتسبون إلى الجماعات الدعوية الحديثة الظاهرة في الساحة اليوم والمناوئة لأهل السنة والجماعة إلا وهو يكره السلفية ويكره الانتساب إليها. Ensuite, Cheikh il dit, donc tu ne trouveras pas un khalafi, c'est-à-dire que c'est le contraire de salafi. T'as le salafi, celui qui suit les salafs. Et le contraire, c'est le khalafi, celui qui contredit les salafs. Yukhalifu salaf. Celui qui contredit les salafs, on l'appelle khalafi. Et celui qui suit les salafs, on l'appelle salafi. Donc, Cheikh il dit, tu ne trouves pas un khalafi, c'est-à-dire quelqu'un qui contredit les salafs, et surtout parmi ceux qui sont dans les groupes de da'wa nouveaux et qui sont apparents aujourd'hui sur la scène de la da'wa et qui détestent et s'opposent aux gens de la sunna et du groupe. Donc, Cheikh il dit, tu ne trouves pas un khalafi sans qu'il ne méprise la salafia et qu'il ne méprise le fait de s'y affilier. Ici, je rajoute, regardez bien ce que le Cheikh il dit. Tu ne trouves pas un khalafi, quelqu'un qui contredit les salafs, sans qu'il déteste la salafia et qu'il déteste le fait de s'y affilier. Ça veut dire que celui qui n'aime pas se dire salafi, qui méprise le fait de se dire salafi, qui dénigre ceux qui se disent salafi, ceci est un signe que cette personne-là contredit la voix des salafs et que c'est un khalafi. Il n'est pas sur la voie des salafs. Sinon, il ne mépriserait pas la voie des salafs, il ne mépriserait pas le fait de s'y apparenter et de s'y affilier. Ensuite, le cheikh, il explique. Pourquoi ces gens-là, ils méprisent le fait de s'affilier à la salafia. Le cheikh, il dit, لِأَنَّ السَّلَفِيَّةَ لَيْسَتْ مُجَرَّدُ نِسْبَةً بل السلفية تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Pourquoi ils méprisent cela? Parce que la salafia, lorsque tu te dis salafi, hein? Lorsque tu te dis salafi, ce n'est pas simplement une affiliation comme ça. Mais la salafia, c'est quoi? C'est de purifier ta sincérité pour Allah uniquement. Et de purifier ton suivi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement. Et également, je rajoute, et le fait de se limiter à la compréhension des salaf salih. de se limiter à la compréhension que les salafs salih, que les pieux prédécesseurs avaient du Coran et de la Sunna. Tu te limites à cela. Et c'est pour cela que le Khalafi ne peut pas aimer cette affiliation. Parce que lorsque la personne va se dire salafi, ça veut dire quoi? Qu'il reconnaît qu'il doit être sincère uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne doit suivre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il doit se limiter à la compréhension des pieux prédécesseurs des textes du Coran et de la Sunna. Donc le Khalafi, il ne peut pas. Le Khalafi, il ne peut pas se limiter à cela. Sinon, ça va être une preuve contre lui qu'il est dans l'innovation. C'est pour cela qu'il rajoute à ce que les salafs ont apporté. Al-salafiyya, c'est le fait que tu te limites à la compréhension des salafs, la compréhension de la religion qu'ils ont eue, la compréhension des textes du Coran et de la Sunna, et leur application. Ensuite, Cheikh il dit, فَالنَّاسُ يَا بُنَيَّ حِزْبَانِ حِزْبُ الرَّحْمَانِ وَحِزْبُ الشَّيْطَانِ. Les gens, ô mon fils, ils sont entre deux parties. Le parti d'Allah, le tout miséricordieux, et le parti du shaytan, le parti du diable. فحزب الشيطان الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا. Donc le parti du diable, ce sont les mécréants et les hypocrites qui sont dans l'hypocrisie de croyance. وحزب الرحمن هم المسلمون الذين لم يركبوا ما يخرجهم من مسمى الإيمان إخراجا كاملا. نعم. Et le parti d'Allah, le tout miséricordieux, ce sont les musulmans qui ne sont pas tombés dans des choses qui les font sortir de la foi totalement. Donc le parti du diable, ce sont les mécréants et les hypocrites qui sont dans l'hypocrisie majeure, qui est l'hypocrisie du cœur, de la croyance. Et le parti d'Allah, de l'autre côté, le parti d'Allah, ce sont les musulmans qui ne sont pas tombés dans les choses qui les font sortir de la foi totalement. Wa khalisu hadha al-hizb, le cheikh il dit, wa khalisu hadha al-hizb, hizb al-Rahman, alladhina lam yadillu ولم يضلوا ولم يتنكبوا جادة الهدى والحق في كل زمان ومكان ولم يجتمعوا على ضلالة هم السلفيون أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. Le cheikh nous expliquait qu'il y a le parti du diable, qui sont les mécréants et les grands hypocrites, et le parti d'Allah, qui sont les musulmans. Puis ensuite, il nous dit, cheikh, que ceux qui sont les plus purs dans le parti d'Allah, et les plus sincères, et les meilleurs, qui ne se sont jamais égarés, et qui ne s'égareront point, et qui ne sortiront point du chemin de la vérité et de la guider dans toute époque et dans tout lieu, et qui ne s'uniront jamais, et qui ne vont jamais s'unir sur un égarement, c'est qui? Ce sont les salafis, les gens de la sunna et du groupe sauvé, le groupe victorieux, et le groupe sauvé. En fait, là, ce que le cheikh il a essayé d'expliquer, c'est que dans le parti d'Allah, donc le parti d'Allah, ce sont les musulmans, d'accord, les musulmans croyants. dans le parti d'Allah, il y a des degrés. Il y en a qui sont plus proches et qui sont purs dans leur religion. Et ces gens-là, ce sont les salafis véridiques qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs convenablement, avec bienfaisance. Et après, les autres, qui ne sont pas dans le groupe sauvé, mais qui sont dans des groupes égarés, tant qu'ils sont musulmans, ces gens-là, leur demeure finale sera le paradis. Leur demeure finale sera le paradis. Mais ce ne sont pas les gens qui sont les plus purs dans leur religion. Taïb. القاعدة الثانية, la deuxième règle que le shir nous cite ici, c'est يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. On connaît les hommes par la vérité et on ne connaît pas la vérité par les hommes. ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان يوصف بالتمسك وأنه من أهل السنة وأنه على الحق الذي لم تشبه شائبة البدعة والخرافة فالعلامة الدالة عليه ما انتهجه من حق بأقواله وأعماله وهذا هو الشطر الأول. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette règle? Le cheikh nous explique. La signification de cette règle, c'est que l'homme, on va dire de lui qu'il est accroché et qu'il fait partie des gens de la sunna et qu'il est sur la vérité. À partir du moment où il ne sera pas taché par l'innovation et la superstition. Et le signe qui montre cela, que cette personne-là, elle est sur la vérité et qu'elle fait partie des gens de la sunna, ça va être le chemin qu'il suit dans ses paroles et dans ses actes. Si dans ses paroles et dans ses actes, il est conforme au Coran et à la sunna et à la voie des salafs, des vieux prédécesseurs, alors cette personne-là, on sait qu'il est sur la vérité. Et si dans sa parole et dans ses actes, il contredit la voie, il contredit le Coran et la Sunna et la voie des pieux prédécesseurs, alors on sait que cette personne-là n'est pas sur la vérité. Donc le shir, il dit, ça c'est la première partie de cette règle. On connaît les hommes par la vérité. C'est-à-dire quand tu as connu la vérité, tu as connu les fondements du dogme des gens de la Sunna. Tu as connu la voie des pieux prédécesseurs. Tu as connu la voie du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Tu as connu cette vérité. Après, tu vas connaître les hommes en fonction de cette vérité. Ceux qui vont être conformes à cette vérité, ils sont sur la vérité. Et ceux qui vont contredire cette vérité, eh bien, ils sont dans l'égarement. Et ensuite, donc, la deuxième partie de cette règle, elle dit « وَلَا يُعْرَفُ الْحَقُّ بِالرِّجَالِ » Et on ne connaît pas la vérité par les hommes. « وَالْمَعْنَا أَنَّهُ لَيْسَ مُجَرَّدُ سُلُوكِ الرَّجُلِ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ هُوَ دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ مُصِيبٌ بَلِ الْحُكْمُ عَلَى الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ عِنْدَ السَّلَفِيِّينَ بل للحكم على الأقوال والأعمال عند السلفيين ميزانان فقط النص والإجماع. Donc, la deuxième partie de cette règle, on ne connaît pas la vérité par les hommes. Le cheikh, il dit, la signification de cela, c'est que ce n'est pas simplement parce qu'un homme dit une parole et fait un acte ceci est une preuve que cette personne-là est sur la vérité. Mais chez les salafis, pour juger les paroles et les actes, on a deux balances. Ces deux balances, ce sont quoi? Les textes religieux, le Coran et la Sunna, et l'ijma' qui est le consensus unanime. Les textes religieux et le consensus unanime. C'est là-dessus qu'on va juger les paroles et les actes. Donc on ne connaît pas la vérité par les hommes. Ce n'est pas parce qu'on a un homme en qui, un homme qu'on aime bien, un homme pour qui on a de l'estime, un homme peut-être qui nous a appris certaines choses dans la religion, non, ce n'est pas parce qu'on va regarder ce que fait cet homme et ce que dit cet homme que forcément c'est la vérité. On ne connaît pas la vérité par les hommes, mais on connaît les hommes par la vérité. Ça c'est, en résumé, le sens de cette règle. On connaît les hommes par la vérité, on ne connaît pas la vérité par les hommes. Donc ce que tu retires de cela, ce que tu vas retirer de cela, c'est que pour connaître le vrai du faux, tu ne dois pas te baser sur tes sentiments et sur la confiance que tu as envers telle ou telle personne, ou l'estime que tu as envers telle ou telle personne. Ce n'est pas parce que cette personne tu l'aimes bien que forcément ce qu'elle a dit c'est la vérité, ou ce qu'elle a fait c'est la vérité. Donc tu ne dois pas t'arrêter à tes sentiments, et tu ne dois pas t'arrêter à la confiance que tu fais à une personne, à un homme. Mais pour connaître la vérité, le vrai du faux, pour connaître la guidée de l'égarement, pour connaître le tawhid du shirk, pour connaître la sunna de la bid'a, pour connaître la bonne action de la mauvaise action, tu dois revenir à quoi? Tu dois revenir au texte religieux et au consensus unanime, al-ijma'. On revient au texte religieux, le Coran et la Sunna. Et on revient au consensus unanime. On revient à la voix des pieux prédécesseurs, la voix des salafs, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis et ceux qui les ont suivis. Les choses sur lesquelles ils étaient unanimes, il n'y a pas de doute que c'est la vérité. La compréhension qu'ils ont eue des textes du Coran et de la Sunna, il n'y a pas de doute que c'est la vérité. Après cela, on va regarder tous les hommes qui sont venus après eux. Et bien sûr, à leur tête, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les hommes qui sont venus après les compagnons radiallahu anhum, on va regarder. Est-ce que leur parole ou leur acte, est-ce qu'il est conforme au Coran et à la Sunna et à la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou bien est-ce que ils contredisent le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, des compagnons radiallahu anhum? Donc c'est cela qui va te permettre de juger et de distinguer entre le vrai et le faux. Tu dois revenir aux premiers musulmans, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ils ont compris la religion et comment ils l'ont appliquée? Qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis tu vas regarder les gens de ton époque, que ce soit des savants ou que ce soit des personnes qui ne sont pas des savants. Tu regardes les gens de ton époque, celui qui va être en conformité dans ses paroles et dans ses actes avec les paroles et les actes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne-là, il est sur la vérité. On a su qu'il est sur la vérité, non pas parce qu'on l'aime, non pas parce qu'on a confiance en lui, non pas parce qu'on a de l'estime pour lui, non pas parce qu'on l'honore. On a su qu'il est sur la vérité parce qu'on a mis ses paroles et ses actes, hein, parce qu'on a comparé ses paroles et ses actes aux paroles et aux actes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on a vu qu'il était en conformité avec les paroles et les actes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a su qu'il était sur la vérité. C'est pour ça qu'il t'a dit, on connaît les hommes par la vérité. Et également, on va regarder, si on voit que ses paroles et ses actes contredisent les paroles et les actes des compagnons radiyallahu anhum, eh bien on sait à présent que cette personne-là, il s'est trompé. Donc on connaît les hommes par la vérité. La vérité qui est le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, des salafs. Tu as connu cette vérité, tu as connu les versets coraniques et les hadiths prophétiques, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu as connu la compréhension des compagnons radiallahu anhum et de ceux qui les ont suivis convenablement. Une fois que tu as connu ça, tu vas regarder les hommes, qui c'est qui est en accord avec cela et qui c'est qui contredit cela. Et à partir de là, tu sauras qui est dans le vrai, qui est dans la vérité et qui est dans l'égarement. Et on ne connaît pas la vérité par les hommes. Ce n'est pas parce que tu as confiance en lui que tu vas écouter tout ce qu'il te dit et que tu vas le suivre dans tout ce qu'il dit. On ne connaît pas la vérité par les hommes. Et ça, c'est une règle très importante. Et c'est une des bases du manhaj salafi que tout salafi doit maîtriser et doit toujours avoir à l'esprit. On ne connaît pas la vérité par les hommes, mais on connaît les hommes par la vérité. On ne connaît pas la vérité par les hommes, mais on connaît les hommes par la vérité. القاعدة الثالثة في الحب والبغض. La troisième règle de base que Cheikh Obeid nous cite ici, c'est une règle concernant l'amour et la haine. L'amour et la haine. Aimer et détester. Le cheikh il dit, فإن كثيرا ممن يدعون أنهم دعاة إلى الله يحفون ويجورون في مسلك الحب والبغض فمعيار الحب والبغض عند هؤلاء في الأشخاص في ذوات الأشخاص وقد أجمع أهل الحق أنه لا حب لأحد من البشر لذاته سوى النبي صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit, beaucoup de gens qui prétendent être des prédicateurs, des gens qui appellent à Allah, ils transgressent dans le domaine de l'amour et la haine. Car le critère de l'amour et de la haine chez ces gens-là, le critère, il revient à quoi chez ces gens-là? Le critère de l'amour et de la haine, il revient aux gens en personne. C'est-à-dire que pour eux, le critère pour aimer ou pour détester une personne, ça va être en fonction de quelqu'un en particulier, pour sa personne. Il aime bien quelqu'un, il y a une personne, il aime bien cette personne-là. Dès qu'il va voir quelqu'un qui n'aime pas son ami, il va le détester. Et dès qu'il va voir quelqu'un qui aime son ami, il va l'aimer. Yani, l'amour et la haine chez lui, le critère de l'amour et de la haine chez cette personne-là, c'est quoi? C'est en fonction de son ami. Taïb. Le chir ensuite il dit, et les gens de la vérité sont unanimes sur le fait que personne ne doit être aimé pour sa personne en dehors du prophète Mohammed, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aimait pour sa personne. Pourquoi? Le cheikh il explique ensuite. لِأَنَّهُ يُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ وَهُوَ مَعْصُومٌ فِيمَا يُبَلِّغُ بِهِ عَنِ اللَّهِ. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui on l'aime pour sa personne? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il transmet directement de la part d'Allah. Et il est infaillible dans ce qu'il transmet de la part d'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime lui pour sa personne. Pourquoi? Parce qu'il transmet de la part d'Allah et qu'il est infaillible dans cette transmission. بلغ البلاغ المبين لم يزد على ما أمر به ولم ينقص منه وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام. طيب. Donc, يعني le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis clairement le message. Il n'a rien rajouté à ce qui lui a été ordonné de transmettre et il n'a rien enlevé. Et de même pour tous les prophètes et les messagers qui sont venus avant lui. Sur eux tous, la prière et la paix. Donc, les prophètes, on les aime pour leur personne. Parce qu'ils sont infaillibles dans ce qu'ils ont transmis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à tous les autres hommes, on ne doit pas les aimer pour leur personne. Mais on revient à la première règle. On connaît les hommes par la vérité. On va regarder s'ils sont conformes à la vérité. S'ils sont conformes à la vérité, alors on va les aimer. Et s'ils contredisent la vérité, alors on va les détester. Taïb. C'est ce que le cheikh là il va expliquer. Il dit le cheikh, wa amma fi sunnah فإن معيار الحب والبغض ليس في الأشخاص بل هو في الله سبحانه وتعالى. Dans la sunna par contre, avant il nous a dit que donc chez ces gens-là, là, ces prêcheurs, ces prédicateurs-là, qui ont transgressé dans le domaine de l'amour et de la haine, eux ils ont mis comme critère des personnes. Alors que dans la sunna, le cheikh il dit, le critère de l'amour et de la haine, il n'est pas sur les personnes, mais il est en Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, ce que le cheikh il veut dire ici, c'est qu'on aime les gens ou on les déteste pour Allah. S'ils sont conformes à la vérité, on les aime pour Allah. Et s'ils contredisent la vérité, on les déteste pour Allah. Le cheikh il dit, فَقَدْ صَحَّتِ الْأَخْبَارُ بِأَنَّ الْحُبَّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضَ فِي اللَّهِ وَالْمُوَالَاةَ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاةَ فِي اللَّهِ وَالْمَنْعَ لِلَّهِ وَالْإِعْطَاءَ لِلَّهِ هَذِهِ سِتُّ صِفَاتٍ مَنْ اسْتَكْمَلَهَا وَانْتَهَجَهَا فِي مُعَامَلَتِهِ لِلْآخَرِينَ استكمل عرى الإيمان. Donc le cheikh il nous dit, il y a beaucoup de hadiths authentiques qui sont venus pour nous expliquer qu'il y a 6 caractéristiques et qui sont d'aimer pour Allah, de détester pour Allah, de prendre pour allié, ou de s'allier pour Allah. Aimer pour Allah, détester pour Allah, s'allier pour Allah. Se désavouer pour Allah. Donner pour Allah et interdire pour Allah. Ces 6 choses, celui qui les a complétées et qui suit cela dans son comportement avec les gens, il aura complété les branches de la foi. Il y a beaucoup de hadiths qui sont venus expliquer cela. Notamment un hadith rapporté par Abu Daoud, radiyallahu rahimahullah, un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, ومنع لله فقد استكمل الإيمان. حديث authentifié par Cheikh Al-Albani et rapporté par Abu Daoud. Celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah et qui donne pour Allah et qui interdit pour Allah, il aura complété la foi. Donc, chez les salafis, le critère pour aimer ou détester une personne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On aime quelqu'un pour Allah et on le déteste pour Allah. S'il est conforme à la vérité qui est venue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va l'aimer. Et s'il contredit la vérité qui est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va le détester. Et il faut savoir par rapport à l'écrit de Cheikh Obeid, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais pour compléter ce chapitre sur l'amour et la haine, l'amour pour Allah et aimer pour Allah et détester pour Allah, pour compléter donc cette question-là, j'ai pris certains passages de plusieurs livres, notamment Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, ou hafidhahullah. Il dit que les gens, en ce qui concerne l'amour et la haine, ils sont de 3 types. Je résume pour ne pas être trop long, car ça fait déjà bientôt 50 minutes que le cours a commencé. Donc, Cheikh Al-Fawzan, dans son livre Al-Irshad ila Sahih al-Irtiqad, lorsqu'il parle de Al-Wala ou Al-Bara, l'alliance et le désaveu, il dit que les gens, en ce qui concerne l'alliance et le désaveu, ils sont de 3 types. Le premier type, ce sont ceux qu'on va aimer d'un amour total, sans haine. Et ça, ce sont les croyants purs, tels que les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et il dit ensuite qu'il est une obligation, et il dit à leur tête, à la tête donc de ces gens-là, c'est bien sûr le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est une obligation de l'aimer plus que l'on s'aime plus que l'on aime sa propre personne, et plus que l'on aime son enfant ou son père ou toute autre personne. Donc on doit aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes et plus que toute autre chose au monde. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les compagnons. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout les califes bien guidés. Et également les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également les gens de sa famille, parmi les pieux. Et également tous les muhajirines, ceux qui ont fait la hijra de la Mecque vers Médine, et tous les ansar qui les ont accueillis à Médine, et les gens qui ont participé à la bataille de Badr, et les gens qui ont fait le serment d'allégeance qui a été appelé Bay'at al-Ridwan, et tous les compagnons radiallahu anhum. Puis ensuite, après eux, vient les tabi'in, et les meilleures générations parmi les pieux prédécesseurs. Donc, tous ces gens-là, on doit les aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnes, tous les croyants pieux, on doit les aimer totalement pour Allah subhanahu wa ta'ala et n'avoir aucune haine envers eux. Puis le Cheikh, il dit, et ne méprise et ne déteste les compagnons, ne déteste et les compagnons, ne déteste les compagnons et les pieux prédécesseurs qu'une personne. Afwan. Le Cheikh, il dit, et celui qui a la foi, qui a ne serait-ce un atome de foi dans le cœur, il ne peut pas détester les compagnons et les pieux prédécesseurs. Mais les seules personnes qui vont détester les compagnons et qui vont détester les pieux prédécesseurs, ce sont les gens de la maladie et de l'hypocrisie et les ennemis de l'islam, tels que les Rafidah, yani les chiites, et tels que les Khawarij, yani les Kharijites, aujourd'hui représentés par les Takfir. Nas'alullah al-Afiyah. Donc ça, c'est le premier type de personnes, ce sont ceux qu'on aime d'un amour total, et ce sont les croyants pieux. Le deuxième type, ce sont ceux que l'on va détester et qu'on va prendre pour ennemis totalement. Et qu'on ne va pas les aimer et on ne va pas les prendre pour alliés. Et ce sont les mécréants. Qu'ils soient athées, qu'ils soient polythéistes, qu'ils soient hypocrites, qu'ils soient apostats, etc., etc. Le troisième type de personnes, ce sont ceux que l'on va aimer d'un côté et qu'on va détester d'un autre côté. Donc ce sont des gens envers qui on va avoir de l'amour et de la haine en même temps. Ce sont des gens envers qui on va avoir de l'amour et de la haine en même temps. Et ces gens-là, le Cheikh, il dit, ce sont les croyants pécheurs. Les croyants qui sont dans le péché, qui sont dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, les croyants, les musulmans qui sont dans le péché et qui sont dans la désobéissance, on va les aimer pour la foi qu'il y a en eux. Et on va les détester pour les péchés et les innovations qu'il y a en eux. Tant que ceux-là ne les fait pas sortir de l'islam. Car s'ils tombent dans une désobéissance qui les fait sortir de l'islam, c'est-à-dire s'ils tombent dans la mécréance ou dans le shirk, là, à ce moment-là, ils rentrent dans la deuxième section qui est les mécréants que l'on doit détester totalement. Mais le musulman qui commet des grands péchés, lui, on va l'aimer pour son islam et on va le détester pour son péché. Et également les gens d'innovation, on va les détester pour leur innovation. Et ensuite, le cheikh, il dit, et l'amour qu'on a pour ces gens-là, qui sont dans le péché ou dans l'innovation, yani l'amour qu'on a pour eux, pour ces musulmans qui sont dans le péché ou qui sont dans l'innovation, l'amour qu'on a pour eux, il implique qu'on les conseille et qu'on les réprimande. Et on n'a pas le droit de se taire sur leur désobéissance. Mais on doit les réfuter. Et on doit leur ordonner le bien. Et on doit leur interdire le mal. Et on doit appliquer sur eux les sanctions religieuses. Bien sûr, ça revient au gouverneur. Jusqu'à ce qu'ils délaissent leur désobéissance et leur innovation. Et jusqu'à ce qu'ils se repentent de leur péché. Mais on ne doit pas les détester totalement. Et on ne doit pas se désavouer d'eux totalement. Comme le disent les Khawarij, les Kharijites, concernant celui qui commet un grand péché parmi les musulmans. Ils disent, celui qui commet un grand péché parmi les musulmans, il sort de l'islam. Donc nous, les gens de la Sunna, contrairement aux Khawarij, on aime ce musulman pour son islam et on le déteste pour son péché et pour son innovation. Ou pour son innovation. Et également non plus, on ne va pas les aimer totalement. Comme le disent les Mourjites. On ne va pas les aimer totalement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la désobéissance. Ils persistent dans la désobéissance. Ils persistent dans l'innovation. Donc, on ne peut pas les aimer totalement. On va les aimer pour ce qu'il y a en eux comme foi. Et on va les détester pour ce qu'il y a en eux comme péché ou comme innovation. Puis le chiffre dit, c'est cela, la voix des gens de la Sunna et du groupe sauvé. Taïb. Juste pour finir, yani, je vais citer dans Kitab al-Tawhid, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a cité une parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, très très importante, et qui contient beaucoup d'enseignements, pour ceux qui réfléchissent. C'est dans le chapitre, وَمِنَ النَّاسِ يعني باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Le chapitre de la parole d'Allah dans la traduction rapprochée du sens du verset, et parmi les gens il y en a qui prennent des égaux à Allah qu'ils aiment comme ils aiment Allah. Dans ce chapitre là Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, il rapporte une parole d'Ibn Abbas, un affaire d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, dans lequel Ibn Abbas il disait: Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa aada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidhalik wa lan yajida abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadhalik. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير. Donc Ibn Abbas radiallahu anhuma, il disait, celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah et qui prend pour ami ou qui prend pour allié pour Allah, et qui prend pour ennemi pour Allah, et bien c'est par cela qu'on obtient l'alliance d'Allah. Et le serviteur ne pourra trouver le délice de la foi, même s'il fait beaucoup de prières et de jeûnes, il ne pourra trouver la douceur et le délice de la foi jusqu'à ce qu'il soit ainsi. Qu'il aime pour Allah et qu'il déteste pour Allah. Qu'il s'allie pour Allah, hein, il s'allie avec quelqu'un pour Allah et il prend quelqu'un pour ennemi pour Allah. À la fin, Ibn Abbas, il dit, et aujourd'hui, la majorité des gens fraternisent pour des choses mondaines. Ibn Abbas, il dit, et aujourd'hui, la majorité des gens fraternisent pour des choses mondaines. Et ces gens-là, cette chose n'apportera aucun bénéfice à ces gens-là. J'avais prévu de lire l'explication du Cheikh Al-Imam Sulayman Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Abdel Wahhab Rahimahullah dans son charh Taysir Al-Aziz Al-Hamid. Il a donné une explication de ce athar d'Ibn Abbas. C'est une explication vraiment détaillée qui contient vraiment beaucoup d'enseignements. J'avais prévu de le lire, mais vu que ça fait déjà plus d'une heure que le cours a commencé, je ne vais pas aller plus loin. Mais je vais juste citer une parole qu'il a dite à la fin. Il dit, Ibn Abbas radiallahu anhuma, hein, Suleyman ibn Abdillah dans Taysir al-Aziz al-Hamid, dans l'explication de ce affaire, il dit, وهذا الكلام قاله ابن عباس رضي الله عنهما في أهل زمانه فكيف لو رأى الناس فيما هم فيه من المؤاخاة على الكفر والبدع والفسوق والعصيان ولكن هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. Suleyman ibn Abdillah, il dit donc, cette parole, Ibn Abbas, il l'a dit pour les gens de son époque. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a dit cette parole-là en parlant des gens de son époque. Alors qu'aurait-il dit s'il aurait vu ce dans quoi sont les gens aujourd'hui qui fraternisent dans la mécréance et dans l'innovation, et dans le péché et la désobéissance. Mais ceci n'est rien d'autre que la concrétisation de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam a commencé étranger, et il redeviendra étranger comme il a commencé. Il redeviendra étranger comme il a commencé. Donc, c'est ainsi que se termine le cours d'aujourd'hui. Et vraiment, je vous incite à retourner au livre Taysir al-Aziz al-Hamid dans ce chapitre-là et pour lire l'explication de l'auteur sur ce athar d'Ibn Abbas radiallahu anhuma. Et peut-être que on fera peut-être une intervention spéciale sur ce chapitre-là qui est le chapitre de l'amour et de la haine pour Allah, aimer pour Allah et détester pour Allah. Et peut-être que à ce moment-là, on citera l'explication de ce shir. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.